Chez Dolbo Auto, venez célébrer les 100 ans de camions Chevrolet avec le Silverado 1500 2018 à cabine double à 176 $ aux deux semaines au taux de 1,5% ou le Colorado 2018 à cabine multiplace et à caisse courte à 183 $ aux deux semaines ou 1,9% au taux de location pendant 48 mois. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, au numéro de téléphone 418-276-0580. Monsieur Stéphane Fortin et tout son personnel souhaitent un bon festival du Bleuin à toute la population de Dolbeau-Mistassini et invite les gens à participer du même coup à ce grand festival. Et félicitations aux organisateurs. Le propriétaire du magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, Monsieur Ken Bennett, aimerait souhaiter à toute la population de Dolbeau-Mistassini et des alentours un bon festival du Bleuin et félicite les nombreux bénévoles qui rendent possible l'événement. Monsieur Bennett vous rappelle que le magasin Canadian Tire est le meilleur endroit pour les articles de piscine et autres marchandises estivales. Surveillez nos prochaines circulaires pour les nombreux spéciaux de la rentrée. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. On va parler, c'est la date limite des échanges dans le baseball. Ça vient de terminer. On attendait que ça se termine avant d'enregistrer le podcast. Beaucoup, beaucoup de transactions. On va en parler avec on fait un spécial, notre ami Bruno Boudreau. Salut Bruno! Salut Dan, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Écoute, ça a brassé qu'une chatte ne retrouverait pas ses petits, je pense. Que c'était incroyable comment ça... Écoute, fallait s'en attendre parce que c'était un marché de vendeurs, parce qu'il y a tellement d'équipes éliminées que les équipes étaient prêtes à liquider le joueur. Oui, puis en même temps, comme on s'était parlé vendredi, il y a beaucoup d'équipes qui étaient sur le bord, qu'on se demandait qu'est-ce qu'ils allaient faire, des équipes qu'on se disait ben, peut-être que c'est une année finalement plutôt comme les Braves qui ont fait des échanges. On a vu les Phillies qui ont bougé. Après ça, on s'est demandé est-ce que d'autres équipes vont essayer quelque chose, comme les Pirates de Pittsburgh qui ont une grosse séquence et qui ont décidé d'essayer là avec le reste de leur noyau qui ont été en série quelques fois. Donc, on a vu des équipes être très agressives. Ça a donné une journée quand même assez mouvementée aujourd'hui et hier. Effectivement. On va commencer par hier. On va commencer par l'équipe qu'on chie le plus. Évidemment, c'est les Blue Jays de Toronto. Trois transactions depuis 24 heures. Trois. Axford, Osimna et également Aaron Loo. Donc, j'étais un petit peu déçu. Je suis d'accord. On ne cautionne pas du tout ce que Roberto Osimna a fait. Là. Pas du tout. Mais il a mené le gars à 23 ans. T'sais, pour évaluer un échange, c'est toujours le meilleur joueur. L'équipe gagnante, c'est toujours l'équipe qui obtient le meilleur joueur. Puis moi, je suis un petit peu déçu. Tu es d'accord avec mon observation? Ben, comme on s'était dit vendredi, ce qu'on disait, c'est que les Blue Jays, moi, à mon avis, étaient basés autour de 5 joueurs à l'avenir. Hein? Marcus Stroman avec Sanchez comme lanceur partant. Après ça, tu te ramasses avec Vladimir Guerrero Jr. puis Bo Bichette. Ça, c'est des intouchables qui montent. Et tu avais Roberto Osuna qui était comme la wild card, le joueur qu'on savait pas trop qu'est-ce qui allait se passer. Puis, dans l'échange, c'est clair que les Blue Jays n'ont pas obtenu le meilleur joueur. Mais ce qu'on comprend aussi, c'est que l'organisation va être décidée, puis ça, on l'a comme appris là, depuis 2 jours. L'organisation avait décidé que c'était terminé. À partir du moment qu'il y a eu les accusations qui allaient être déposées, puis qu'il y a eu l'histoire qui a sorti au grand jour, dès le départ, l'organisation a voulu se détacher un petit peu de Roberto Osuna. Ça fait on sait maintenant que ça fait quelques mois qu'on tentait de l'échanger. Donc, c'est pas surprenant de le voir quitter. Ce qui est un peu décevant, c'est le retour qu'on a obtenu. Ben oui. Mais d'un autre côté, avec justement la situation hors terrain, c'est certain que c'est des joueurs à ce moment-là, souvent qui vont on va recevoir un petit peu moins quand on va venir le moment des échanges. Il y a quand même 2 bras qu'on a rajoutés dans la profondeur des Blue Jays, mais c'est sûr que pour un releveur d'impact, on n'a pas obtenu beaucoup. Par contre, je pense que c'est clair du côté d'organisation des Jays qu'on voulait aller de l'avant puis tourner la page avec Osuna. Donc, c'est malheureux dans un sens d'un côté baseball, mais c'est très comprenable aussi d'un côté organisation là, de vraiment se détacher de gestes du genre. Le gars a 23 ans, seulement 23 ans, 39 ou 3 saisons de 30 sauvetages. C'est quand même quelque chose, écoute, là, c'est un fait d'âme assez accompli. Moi, en tout cas, c'est pas de même que j'aurais parlé, mais coudonc. On dit que Kenjal, c'est un gars qui a un bon bras, qui a une saison de misère. Hector Torres, classé 10e par MLB Pipeline. Et l'autre, c'est, je donne le nom, mais Chap, lui, il a été suspendu 80 matchs pour l'usage de stéroïdes. Donc, c'est des gars-là. C'est sûr que Torres, qui est classé 10e prospect, on dit que il a un excellent bras, lui. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, on a obtenu des bras. Souvent avec les jeunes lanceurs, tu sais jamais comment ils vont se développer. Je pense que du côté des Blue Jays, à ce moment-là, on voulait s'assurer au moins si on laissait aller Osuna. En Jays, on va obtenir un gars qui est capable de fermer les matchs, qui l'a déjà fait, qui a perdu sa confiance. On l'a vu l'année passée dans les séries, il avait perdu son rôle de releveur numéro 1 pendant les séries pour les Astros, surtout en série mondiale face aux Dodgers. Donc, les Blue Jays, c'est un joueur qu'ils sont capables de contrôler parce qu'aussi Osuna, c'est un joueur qu'on avait sous contrôle pour encore 2 ans. Mm. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on va obtenir. Et pour les deux autres, bon, on a rajouté des bras. Seul l'avenir va dire exactement si ces bras-là vont se développer. Les autres, ben, Aaron Loop, le fait que c'est un gaucher, c'est une denrée rare. Il y a 3 lanceurs droitiers pour un lanceur gaucher. Donc, les Phillies qui sont allés chercher pour un peu de profondeur et les Dodgers qui sont allés chercher Jonathan Axford également. Pour les Dodgers, c'est des transactions, ce qu'on appelle des transactions de profondeur. Oui, vraiment. Des deux transactions qui vont aider les deux équipes. Puis comme on l'a dit tantôt, les Phillies, hein, on avait parlé un petit peu la semaine passée. Est-ce qu'Asdrubal Cabrera, qui était dans les rumeurs à Philadelphie, finalement, ça s'est concrétisé. Donc, les Phillies ont décidé que même si l'équipe était jeune, même si on était un petit peu au-devant du plan initial, un peu comme les Braves qui ont été chercher 2 lanceurs du côté des Orioles de Baltimore, ben c'est des équipes qui ont décidé d'aller de l'avant. On voit que les Nationals sont pas vraiment prêts à faire un move pour les rattraper, donc ils ont décidé d'y aller all-in parce que une de ces deux équipes-là devrait gagner le championnat de la division. OK, Bruno, on va y aller maintenant avec aussi les transactions. Quelle transaction, toi, qui t'a le plus marqué aujourd'hui dans cette journée folle? Il y en a quelques-unes intéressantes. Je regarde Wilson Ramos qui s'en va aux Phillies de Philadelphie. Ramos est un bon receveur. Chris Archer qui s'en va à Pittsburgh. Il y avait des rumeurs avec les Yankees de New York. Et également, ben, l'autre transaction, c'est Brian Dozier qui s'en va à Los Angeles. Moi, j'aurais pensé que ça en allait avec les Red Sox, Dozier. On est allé chez Ian Kinsler à la place. Ouais, ben c'est ça. Je pense que du côté des Red Sox, peut-être le prix à payer est un petit peu plus élevé dans le cas de Dozier. Puis, je suis pas certain que c'était exactement la cible qu'on avait. On voulait peut-être pas donner trop pour un joueur comme ça. Puis Kinsler va emmener peut-être un volet d'expérience aussi bien intéressant pour les Red Sox. Moi, l'équipe, en fait, qui me surprend le plus, Dan, quand je regarde l'ensemble de l'œuvre, on a parlé un petit peu des Braves, certaines équipes qui ont bougé que je m'attendais pas, mais c'est les Pirates de Pittsburgh. Tu sais, il y avait des rumeurs comme de quoi les Pirates, avec leur grosse séquence, je pense que c'était 11 victoires en 14 matchs, qui se replaceraient puis qui décideraient peut-être d'acheter, un peu comme les Aces d'Oakland qui ont décidé d'acheter, ils ont été chercher Familia il y a quelques temps déjà. Là, de voir des voir faire des échanges, entre autres, ils ont été chercher Cal Collins du côté des Rangers du Texas pour solidifier l'enclos et aussi l'échange de Chris Archer. Puis Chris Archer, moi, je suis pas le plus grand fan. Je pense que c'est un lanceur qui a plus un nom qu'a nécessairement un bras. Là, au cours des dernières années, il en a perdu de son étoffe. Mais ça démontre quand même du côté des Pirates. On a tenté de faire quelque chose cette année. Tu sais, on disait l'équipe, ça va être la reconstruction à Pittsburgh avec le départ de gars comme Andrew McCutchen. On a changé Garrett Cole. Donc, on avait déjà bougé beaucoup de pièces maîtresses de l'organisation. Mais là, avec l'opportunité qui se présente là, moi, j'ai été surpris des voir bouger. Je suis content pour eux, je suis content pour la ville. J'espère que ça va amener des gens dans le stade pour le dernier droit. Mais c'est ce qui m'a surpris le plus au niveau des transactions du jour. Dozier, du côté des Dodgers, ben ça amène une bonne profondeur aussi pour Los Angeles. Écoute, on a parlé tantôt de chercher aussi Oxford. C'est une équipe qui a pas beaucoup de faiblesses, les Dodgers. Quand tu regardes la nationale, je trouve que les Cubs ont des points d'interrogation. Je trouve que les Nationals ne seront sûrement pas des séries. C'était sûrement les 3 plus gros clubs de cette ligue-là. Les Dodgers sont bien positionnés pour retourner en série mondiale, à mon point de vue, à ce moment-là. Effectivement. Le gars que je m'attendais qu'il allait être échangé, ou pas du tout, il n'y a même pas eu de rumeur. Puis les Mets, pourtant, avaient dit la semaine passée qu'il pourrait être sur le marché d'échange, c'est Jake DeGrom. Tu es surpris que Jake DeGrom n'a pas été échangé, puis il n'y avait même pas de rumeur au cours des derniers jours, là. Ouais, ben je pense que du côté des Mets, on a décidé de le garder puis de continuer avec ce noyau-là. Je suis pas vraiment surpris. Je pense que c'était peut-être la bonne décision à prendre. Ben oui, c'est un bras excellent. Ben c'est ça, c'est un bras excellent. Puis je suis pas sûr qu'il y ait une équipe qui était prête à nécessairement faire sauter la banque entre guillemets pour obtenir ses services. On en a parlé un peu la semaine passée. Tu sais, les équipes sont beaucoup nanties avec des gros enclos de relève. Puis les grosses équipes n'avaient peut-être pas besoin de se. Ben, en fait, ils auraient pu le prendre ce lanceur dominant-là, mais peut-être pas jusqu'au point de vue de vider les filiales parce que. Pour laisser partir un joueur comme ça du côté des Mets, ça aurait probablement pris un joueur établi, puis deux blue chip prospects, là, qu'on appelle là, des top 5 d'une organisation. Puis, je suis pas certain qu'il y ait des équipes qui étaient prêtes à céder ce prix-là pour obtenir Jacob DeGrom. Et ça m'a pas surpris de pas le voir bouger. Et l'autre que ça m'a pas surpris non plus, qu'on a parlé un petit peu la semaine passée, puis finalement en bout de ligne, il n'a pas bougé, c'est Bryce Harper. Ouais. Du côté des Nationals, il y a eu beaucoup de rumeurs qui se sont activées, surtout dans la journée de dimanche et de lundi. Mais finalement, à bout de ligne, je pense qu'on n'avait pas l'intention du côté des Nationals de le bouger. Puis je pense que du côté des Nationals, on y croit encore. À 5,5 matchs, on n'est pas encore éliminé complètement. Ça va prendre un revirement de situation, puis on a jugé qu'on serait mieux de le faire avec que sans Bryce Harper. OK. Ben Bruno, ça fait pas mal le tour pour cette semaine. Édition spéciale, puisqu'il y en a eu beaucoup de transactions. On s'en reparle dans 2 semaines. Oui, ça va être bien intéressant de voir l'impact sur ces transactions-là. Puis aussi, ce qu'on s'était dit, il faut surveiller au mois d'août. Il va peut-être y en avoir des échanges. Oui, il passe par le balotage. Il passe par le balotage. Donc, on a vu, entre autres, l'année passée, Justin Verlander. Mm. Puis, une petite nouvelle aussi qui a passé les derniers jours, c'est la mise sur la liste des blessés de 60 jours de Josh Donaldson. Oui, oui, oui. C'est le pire scénario. Hein. On avait dit au début de l'année, pour les Blue Jays, c'est soit qu'on est dans la course, puis on décide d'acheter, puis on essaie un dernier coup ce noyau-là, ou sinon on liquide le club et ça part avec Josh Donaldson. Il faut qu'il ait une bonne saison. Finalement, il était blessé presque toute l'année. Là, on ne sera pas capable de l'échanger, puis à la fin de la saison, on risque de le perdre pour à peu près pas grand-chose. Donc, vraiment un scénario un peu catastrophe, parce que si Donaldson avait connu une grosse saison, c'est sûrement un joueur que cette semaine aurait bougé et aurait retourné aux Blue Jays, probablement au moins un bon espoir. Tu sais, Bruno, l'année passée, je le disais, ça va être une priorité, ce dossier-là, avant la fin du camp d'entraînement. Soit qu'on signe pour longtemps ou on l'échange. Puis finalement, ni un ni l'autre. Tu sais, dans le fond, là. Tu sais, si on l'aurait, au camp d'entraînement, si on l'aurait soit échangé, je pense qu'on aurait eu beaucoup, ou encore le mettre sous contrat. Mais si je parle de mettre sous contrat avec Vladimir qui va tellement bien, je pense que, et surtout l'administration qui administre plus un budget qu'un club de baseball. Donc, moi, finalement, comme tu dis, c'est le pire des scénarios. Premier match de Vladimir ce soir avec les Bisons. Ouais, ben ça va être intéressant de suivre son début. Moi, j'ai bien hâte de le voir aller dans le 3. Je pense que ça va être le sujet comme intéressant pour les Blue Jays. Là, la saison est pas mal terminée. Les échanges sont complétés. Il y aura peut-être un vétéran qui va quitter au mois d'août, justement, en passant par le balotage. Puis on regarde pour 2019. Fait que pour les partisans des Jays, là, ça va être de surveiller un peu la saison de Vladimir. Peut-être qu'on lui donnera quelques matchs en septembre. Qui sait, on va suivre ça et on s'en reparlera un peu plus tard. Moi, je pensais que Curtis Granderson et Tyler Clipart allaient être échangés, mais il n'y a pas trop de temps non plus. C'est des joueurs qui vont passer facilement au balotage si jamais on... Exactement. Ouais. Bruno, on s'en reparle bientôt. Merci d'avoir collaborateur Bruno Boudreau.